Jeudi 4 mars 2021, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée dont voici d'abord les principales articulations. Le groupe parlementaire à l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est salue le pas franchi dans l'intégration économique du Burundi. L'importation des marchandises qui passait 21 jours avant cette intégration passe aujourd'hui 3 jours. Les fortes pluies qui se sont abattues hier sur Ngozi et Kayanza ont occasionné des dégâts humains et matériels en commune Ruhororo. 5 personnes ont été grièvement blessées et 3 salles de classe ont été détruites. Tandis qu'à Kayanza, le pont Redia Kayanza et Busiga a été coupé. Et les femmes sont appelées à aimer le sport car ce domaine a des opportunités qui font vivre des familles. Cet appel est de Claire Kabura, secrétaire générale adjointe de la Fédération de volleyball au Burundi. Eric Wimana assure la mise en ordre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une femme montre qu'elle est capable, les autres peuvent la responsabiliser de beaucoup de tâches. Ce sont les propos de Claire Kabura, secrétaire générale adjointe de la Fédération de volleyball au Burundi. Claire Kabura indique que le domaine sportif a des opportunités qui font vivre des familles et appelle les femmes à se spécialiser dans différents domaines du sport. Suivez Claire Kabura et les hauts micros de Yvette. De ma consœur Yvette. Je suis membre fondateur de beaucoup d'équipes féminines. En plus de cela, moi, je suis souvent présente dans les compétitions et dans tous les matchs presque qui se déroulent ici à Bujumbura. Alors, on a pris mes initiatives et moi aussi, je leur ai montré que je suis capable d'accomplir le travail qu'on m'a assigné. Quand tu es une femme, on a tendance de ne pas vous donner trop de place. Et même quand il y a des opportunités, on risque même de te remplacer par un homme. Mais quand vous osez leur montrer que c'est l'injustice, ils ont aussi peur de te remplacer. Et comme ça, tu gagnes la place qui te revient. Je dis cela parce que souvent, il y a des formations, il y a des sorties et on a tendance à choisir les hommes. Ça, c'est un grand défi, mais heureusement que le Sénat actuel a confectionné des statuts pour toutes les fédérations, donnant la place aux femmes. Et désormais, il y aura au moins dans le comité exécutif 3 femmes et c'est une très bonne chose parce que ce défi va être relevé. Nous lançons un appel vibrant à toutes les femmes de s'adonner au sport parce que comme on dit en Kirondine, à Mongouda Kiza, vous pouvez vous épanouir socialement, moralement, physiquement et financièrement en participant dans de différents sports. Il y a des enfants qui ont été recrutés dans des équipes étrangères qui maintenant, à leur tour, sont en train d'aider leur club d'origine et leur famille. Vous comprenez donc que tôt ou tard, vous pouvez cueillir les fruits grâce au sport. Et les femmes font des exercices physiques au même pied d'égalité que les hommes. Constat d'Eric Manirakiza, le choc au club Agape Gym, ici en mairie de Bujumbura. Il affirme que pendant ces exercices, il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Il donne l'exemple de Francine Nyonsaba, qui est une athlète internationale. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, Eric Manirakiza appelle les femmes à participer massivement aux activités sportives afin d'avoir une bonne santé. Suivez-le, il est au micro de Lydie Gahimbali. Les femmes s'entraînent avec les hommes parce qu'il n'y a pas une séance pour les femmes et une séance pour les hommes. Donc la séance, je dirais que la séance est mixte. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont plus fortes, qui sont capables, plus que les hommes. Ah oui, je le vois pendant la démonstration, pendant les exercices. Voyons des stars, comme je le disais, en Kirundi, des stars comme Francine, comme Diane aux États-Unis. Donc il faut aussi qu'il y ait une séance de sensibilisation pour pouvoir motiver, pouvoir aider ces femmes de participer aux séances de sport, aux séances de gym, parce qu'elles peuvent bénéficier beaucoup de choses comme l'entretien du corps, parce que le sport, quand on fait du sport, on bénéficie de l'entretien et aussi le sport est une thérapie afin d'éviter ces maladies chroniques comme je l'ai dit, le diabète, l'hypertension, le cancer, etc. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, les marchandises provenant des pays membres de la communauté est-africaine passent 3 jours avant d'arriver au Burundi, au moment où, avant l'intégration du Burundi dans cette communauté, ce délai était de 21 jours. C'est l'un des bénéfices évoqués ce jeudi par l'honorable Jean-Marie Muhigwa, vice-président du groupe parlementaire à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, lors de l'annonce de la campagne du 1er au 7 mars dans tous les pays membres de l'EAC. Sur l'évaluation des bénéfices tirés de cette communauté, il précise que le défi majeur observé est la corruption dans certains pays membres de l'EAC. Suivez plutôt le député Jean-Marie Muhigwa. Dans le cadre d'infrastructures, il y a beaucoup de routes qui ont été réhabilitées, qui ont été construites. Je vous informe, il y a la route Ruhwa, Nyamitanga, Bujumbura, Rumonge, Nyanzarake, Mabanda. Vous voyez la route Kobero Muyinga, Gitega, Mwaro, Jenda, Bujumbura. Et bien d'autres routes. Le Burundi a bénéficié d'abriter la commission en rapport avec la recherche scientifique, Health Research Commission. Cette commission est localisée à Kigobe. Avec la présence de cette commission, les Burundais aussi en profitent. Nous avons vu la naissance de l'OBR. Nous avons vu naissance de l'API. Nous avons vu naissance de banques de cette communauté qui sont venues s'implanter au Burundi. Il y a KCB Bank, il y a CADB Bank, il y a DTB Bank et bien d'autres institutions financières. Ces institutions financières payent des taxes à l'État, mais aussi ces banques et ces institutions financières donnent de l'emploi à notre population. À propos du commerce, au départ, avant d'intégrer à la communauté africaine, les marchandises devraient passer 21 jours à partir du port de Mombasa jusqu'à Bujumbura. Mais après l'intégration, les marchandises maintenant passent 3 jours uniquement. Au départ, le port de Dasram, les marchandises passaient 12 jours, mais aujourd'hui c'est 3 jours. Aujourd'hui, l'OBR a ses agents à partir de Mombasa et d'Asram pour faciliter le business des commerçants de notre pays. Et le défi majeur que je peux signaler maintenant, c'est un défi lié aux barrières non tarifaires. Ces barrières non tarifaires, ici, je peux parler quoi? Je peux parler de la corruption qui est devenue endémique dans cette région. Si nous voulons effectivement que nos peuples jouissent de l'intégration, il faut combattre ce fléau qui est la corruption dans différents pays de la communauté est-africaine. Propos recueillis par Ornera Mucho. Les opérateurs économiques de Gitega disent que les informateurs de l'OBR qui sont au port de Bujumbura les perturbent à la sortie de leurs marchandises du port. Ils ont dit cela ce mercredi à Gitega dans une réunion d'échange que les agents de l'OBR ont organisée avec les opérateurs du secteur de l'agroalimentaire. À l'OBR, ils ont souligné que leurs informateurs n'ont pas de droit d'arrêter un véhicule et ce qu'ils transportent, leur rôle étant d'en informer l'Office burundais de recettes. Arthur Kawabushi nous en dit plus. Dans ce dialogue avec les opérateurs du secteur agroalimentaire et les agents de l'OBR, la question de ceux qui se disent informateurs de l'OBR, qui sont toujours au port de Bujumbura, a été posée. Il y a des gens, quand nous sortons une marchandise du port, qui montent sur moto et filent le véhicule qui sort la marchandise alors qu'on a déjà calculé et payé les taxes au port à l'OBR. Puis tu sors la marchandise pour Gitega. Tu venais de passer 2 semaines à Bujumbura pour faire sortir la marchandise. Et à la sortie, tu vois des gens qui montent à moto pour suivre le véhicule qui sort ta marchandise. Si tu vas chercher un véhicule de transport vers Gitega, au port, il y a des véhicules dits Masumbuko qui facilitent le transport vers la sortie. Et quand tu commences à mettre la marchandise dans un autre véhicule pour Gitega, ces gens débarquent et te demandent les papiers de la marchandise sans présentation d'aucun document attestant qu'il est de l'OBR. Et si tu lui demandes qui il est, il dit « Je suis un informateur ». À cela, l'agent de l'OBR dit qu'un informateur n'a pas le droit d'arrêter un véhicule. L'informateur qui nous écoute et qui se hasarde à arrêter une marchandise de quelqu'un et qui lui fait du mal, c'est son problème. Il n'a aucun droit de stopper une marchandise, mais il la surveille et la dénonce. La personne habilitée à arrêter la personne et sa marchandise, c'est un administratif, un agent de l'OBR, le gouverneur, l'administrateur communal, un policier ou un militaire en tenue. L'agent de l'OBR qui travaille dans la lutte contre la fraude mode qui porte en badge. Cela apporte la marchandise à l'administration proche. Mais l'OBR vient la prendre pour un endroit prévu après réception des procès-verbaux de saisie par la police et l'administration qui les a saisis. Un autre a indiqué qu'ils ont un problème car on les taxe dans chaque commune quand ils transportent une marchandise déjà payée à Gitega. Nous avons eu la chance d'avoir un bureau de l'OBR à Gitega. Quand on amène une marchandise pour payer ici à la douane, quand tu veux aller la vendre à Bujumbura, à la gare du Nord, on entend payer la taxe municipale. Nous voulons demander pourquoi ne pas payer ici chez nous à Gitega pour faire développer notre commune et payer à la mairie de Bujumbura. Et quand on refuse, on saisit même le véhicule. Comment pourriez-vous nous aider pour ne pas payer deux fois? Jean de Dieu Ndaïze de l'OBR a répondu qu'ils sont au courant et qu'ils vont en parler avec le ministère de l'Intérieur et stopper ces taxes de la route. Une autre question posée, celle relative à la nouvelle facture que l'OBR a donnée aux opérateurs économiques et qu'il est difficile de compléter vu qu'elle contient beaucoup d'éléments. À l'OBR, ils ont fait savoir qu'il y a une autre facture qui est en train d'être conçue qui est difficile à imiter. Depuis Gitega, du Kavabushi, Radio Isanganiro. De Gitega Cap sur Kayanza, où certains des transporteurs à vélo dans la ville de cette province regroupés au sein de la société des taxis vélo Burundi disent que le système d'épargne et de crédit introduit dans leurs associations leur permet de satisfaire certains de leurs besoins fondamentaux. Justine Komeza Dusabe, conseillère au cabinet du gouverneur en charge des affaires administratives et financières en cette province, indique qu'au niveau de l'administration, on apprécie positivement cette initiative et l'invite cependant d'autres travailleurs à les prendre pour modèle d'État, avec Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces transporteurs à vélo exerçant leurs activités de transport en ville de Kayanza contactés nous ont fait savoir que le système d'épargne et de crédit introduit dans leur association leur permet de satisfaire des besoins comme la réparation de leur bicyclette en cas d'accident, se faire soigner et soigner leur famille, ainsi qu'assurer la survie de ces familles. Mazina Mathieu, le représentant de la société des taxis vélos au Burundi en Tene Kayanza, confirme les propos des membres de la Sotavebu quant à l'importance de leur association où chacun membres versent chaque semaine un montant de 1000 francs comme capital, ce qui lui permet d'accéder à des emprunts solidaires avec un intérêt abordable. Ce représentant de la Sotavebu à Kayanza, de même que les membres de cette association, tous précisent qu'il faut leur association transformer en une coopérative, il se développerait mieux plus qu'aujourd'hui. Cela nous permettra d'avoir accès au crédit pour réaliser d'autres projets de développement, explique les membres de la société des taxis vélos au Burundi en Tene Kayanza. Au niveau du mouvement associatif et coopératif en province Kayanza, l'on demande à la représentation de la société des taxis vélos du Burundi en Tene Kayanza de disponibiliser les moyens nécessaires pour la notification de leur coopérative, et cet organe promet la facilitation d'un processus d'obtention des documents nécessaires pour la transformation de leur association en coopérative. Justine Komeza Dusabe, conseiller du gouverneur en charge des affaires administratives et financières à Kayanza, indique qu'au niveau de l'administration, on apprécie positivement cette initiative des personnes exerçant de petites activités génératrices de revenus, de travailleurs regroupés au sein des associations et coopératives, et demander à d'autres travailleurs de les prendre pour modèles. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva de Kayanza, retour sur la capitale économique Bujumbura, où une femme du quartier Kigobe fabrique des chaises à partir des pneus hors usage. Ornella Wiman a expliqué que le manque d'emploi était l'une des raisons pour entreprendre cette activité. Actuellement, elle se réjouit de son progrès étant donné qu'elle est capable de donner de l'emploi aux autres. Cette femme interpelle ses pairs à user de leurs connaissances et talents pour s'auto-développer au lieu de rester en attente de l'emploi incertain. Les détails avec Vestine Boutoy. Ornel Wimana, qui fabrique actuellement les chaises et autres objets de décor à partir des pneus hors usage, est détentrice d'un diplôme de licence en santé publique. Elle précise que le manque d'emploi est l'une des raisons qui l'a poussé à entreprendre ce projet. J'ai déposé mes dossiers aux différents postes, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir de l'emploi. Je me suis dit qu'il est temps d'utiliser mes connaissances, talents et moyens pour me créer de l'emploi. Voilà d'où est venue l'idée de fabriquer ces chaises et autres. Il signale que les pneus utilisés pour cette fin sont soit vendus ou récupérés là où ils sont jetés. Quant aux autres matériels nécessaires, il les déclare faire recours à la location pendant les premiers temps. Aujourd'hui, Ornel Wimana se réjouit du pas des gens franchis car il a déjà eu son propre matériel destiné à fabriquer ses chaises et autres objets de décor et affirme être capable de donner de l'emploi aux autres, notamment les menuisiers. Cette femme n'ignore pas qu'au début de son projet, elle avait eu peur du fait qu'elle se lançait dans une carrière qui avait une réputation de celle des hommes uniquement. Heureusement que son mari la soutenait moralement et financièrement et qui aujourd'hui salue cette initiative, poursuit-elle. Bien sûr, c'est lui qui m'a soutenue car auparavant j'avais de la peur puisque je ne voyais pas comment réaliser mon projet, comment je serais considérée par l'entourage qui me verront en train de ramasser les pneus usés parce que ce travail demande du courage. Et je me souviens que c'est bel et bien mon mari qui m'a donné du capital pour commencer. La fabrication des chaises et autres objets de décor n'empêche pas la continuité des activités ménagères en tant que femme, conclut Ornella Wiman. En toute chose, il faut avoir une bonne organisation et une bonne gestion du temps. Par exemple, je peux me faire un horaire séparant les activités ménagères et celles de fabrication des chaises. Et ça ne me cause pas des ennuis, tout se passe bien. Cette femme fait savoir que même si elle est licenciée en santé publique, elle aimerait suivre des formations relatives à son métier actuel pour avoir de la performance. Ornel Wiman a conseillé aux autres femmes et filles d'utiliser leurs connaissances et talents pour se créer de l'emploi au lieu d'attendre être embauchées selon leur niveau et domaine d'études. La radio de l'avenir. Poursuivons ce journal par la page environnement. 5 personnes grièvement blessées, 3 salles de classe détruites. Tels sont les dégâts occasionnés par des pluies mêlées de vents violents tombés ce mercredi après-midi sur la colline Rukurazo en commune Mumba de la province Ngozi. L'administrateur de cette commune indique qu'il est en train de chercher ou caser les élèves en attendant la réhabilitation de ces locaux d'été avec Apollinaire Mutsakara. Cette pluie mêlée de vents violents tombée ce mercredi en commune Mumba a fortement endommagé 3 salles de classe de l'école fondamentale Lukuraz. Leurs toitures ont été emportées par ces vents et ce sont les élèves de la 7e, 8e et 9e fondamentale qui ont été touchés. 4 de ces derniers ont été grièvement blessés et ont été vite acheminés au centre de santé de Buziragahama dans cette même commune Pourdes. L'administrateur de la commune Mumba indique que ces élèves seront casés provisoirement dans d'autres établissements environnants en attendant la reconstruction de leur classe. Certains sont déjà arrivés à l'Ecofo Murama d'après Jérémy Manario, administrateur communal. Il demande la main des bienfaiteurs pour que ces élèves regagnent leur classe le plus tôt possible. Les dégâts pourraient s'alourdir vu l'ampleur de cette pluie tombée sur toute la province Ngozi ce mercredi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. La route nationale numéro 1 reliant les communes Kayanza et Busiga des provinces Kayanza et Ngozi est impraticable depuis l'après-midi d'hier suite aux fortes pluies, mais les deux grêles qui se sont abattues sur ces localités et cassant ainsi le pont Kayave reliant ces communes au niveau de la colline Nyanza-Tubiri de la zone Maramirundi en commune de Busiga. Yandoui Gilbert, administrateur de la commune Kayanza, indique que l'impraticabilité de cette route peut causer d'énormes pertes. Il explique que certains commerçants de la commune Kayanza s'approvisionnent au marché de Maramirundi en commune de Busiga, passant par cette même route. Cet administratif communal à Kayanza tranquillise pourtant que conjointement avec l'administration provinciale à Kayanza, cette question a été déjà soumise au chargé du ministère des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux pour y trouver une solution dans les meilleurs délais afin que les relations entre ces deux communes reprennent. Page éducation pour clore ce journal. Et le gouverneur de la province, Chiang Huzo, donne un délai d'une semaine pour que tous les élèves qui ont abandonné les études en commune Chiang Huzo regagnent le banc de l'école. Il a dit cela ce mercredi devant les comités de gestion des écoles, les enseignants et les administratifs à la base de la commune Chiang Huzo. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement en cette province, Chiang Huzo, on pointe du doigt les parents de favoriser ces abandons scolaires. Les détails avec Raymond Moudende. Ce mercredi, dans cette réunion, le motif à la base de l'abandon scolaire, qui est la pauvreté, a été jugé non convaincant. En effet, le gouverneur est revenu plutôt sur le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, tandis que ces derniers doivent adopter un comportement digne. Concernant ces abandons, Tanguyen Das, directeur provincial de l'enseignement à Chiang Huzo, a demandé aux élèves de ne plus être préoccupés par l'embauche avant l'école. Ici, il a regretté que des élèves de la commune de Chiang Huzo quittent l'école pour aller chercher du travail en Tanzanie. Ainsi, le directeur provincial de l'enseignement a demandé une collaboration des parents et des administratifs à la base pour bannir à jamais cette habitude d'abandon scolaire devenue monnaie courante en commune de Chiang Huzo et ailleurs dans toute la province de Chiang Huzo. Et ce n'est pas donc la première fois qu'une telle demande de retourner à l'école soit donnée, mais ne se réalise pas. La réintégration de tous ceux qui regagneront le banc de l'école sera facilitée, comme cela a été évoqué dans cette réunion. Depuis Chiang Huzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. C'est sur cette correspondance de notre confrère de Chiang Huzo, Raymond Moudende, que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikumanyanga. Un bon après-midi.